Chapitre 6e. Raoul s'habilla rapidement. Si, d'une part, il brûlait d'échapper à la position fausse et ridicule où il s'était embourbé par étourderie, d'autre part, il ne renonçait point aux espérances qu'il avait fondées sur M. Gibson. C'est pourquoi il saisit la plume, et dans une lettre remarquable de tact, de convenance et d'esprit, il s'excusa de ses importunités de la veille, raconta son histoire amoureuse, et termina en suppliant l'Américain de le présenter à Madame de Logel. Le style était entraînant. À moins de posséder un cœur de basalte, M. Gibson ne pouvait manquer d'être attendri. Raoul cacheta sa missive et sonna le garçon. De temps immémorial, les garçons que nous sommes ont pour coutume de ne pas venir. Guérac, en proie à une impatience fébrile, arracha le cordon de la sonnette. Ce fut en vain. En désespoir de cause, il gagna le palier, se pencha sur la rampe et ouvrit la bouche pour appeler à tue-tête. Soudain, trois choses montèrent jusqu'à lui, qui firent expirer les sons au fond de sa gorge. Trois choses charmantes, à savoir, premièrement, un vague et aristocratique parfum, deuxièmement, le craquement furtif d'une bottine, troisièmement, le frôlement soyeux d'une robe. Raoul se pencha un peu plus, une ombre féminine, élégante et svelte, gravissait les marches de l'escalier. Instinct ou pressentiment, Guérac se rejeta en arrière. Un soupçon terrible lui glaça les veines. Il recula sans bruit, rentra dans sa chambre, s'y enferma, et tout frémissant, colla son œil à la serrure. Presque aussitôt la dame apparut. Elle regarda autour d'elle, et de sa petite main finement gantée mais un peu tremblante, elle écarta son voile noir. Malédiction. Raoul ne s'était pas trompé. C'était elle, interdite, émue, respirant à peine. Quoique légèrement pâle, elle souriait. Et ce délicieux sourire, ses lèvres de carmin, ses dents incomparables qui avaient rendu fou d'amour le pauvre Raoul, le transportèrent à cette heure de rage et de jalousie. Elle, dans cet ignoble hôtel garni, elle, sans valet, sans chaperon, sans protecteur. Qui venait-elle faire au mépris du monde, au mépris de sa réputation, au mépris de son repos? Le doute ne fut pas longtemps permis à Guérac. Madame de Logel sonna trois carillons éclatants, trois carillons espacés d'une façon particulière à la porte de M. Gibson. Au troisième coup, les odeurs combinées de la pommade à la rose et du rhum de la Jamaïque se répandirent par la maison et l'Américain se montra. Qu'il était frais, épanoui, frisé, gras et luisant au sein de ses favoris énormes, comme il se drapait magnifiquement dans sa robe de chambre à ramages. La jeune femme se précipita chez lui et Raoul ne vit plus rien, rien qu'une porte close. Quand il se retourna, la glace lui renvoya sa propre image effrayante de lividité. Une sueur d'agonie lui perlait au front. Il tomba sur un siège, il resta pétrifié, abruti, les bras ballants, l'œil fixe, l'oreille tendue, l'esprit en démence. Et le temps passa. « Elle va sortir », se disait-il de minute en minute. Mais chaque seconde, en s'écoulant, lui plantait au cœur un fer rouge de plus. Et plongeant ses mains ruisselantes à travers ses cheveux, il cherchait, il inventait mille prétextes absurdes pour légitimer la démarche d'Aurélie. Le temps passait toujours, et il se dressait furieux, écumant, résolu à enfoncer la porte de son voisin, à surgir, fantôme vengeur, au milieu de leur conversation criminelle. Puis, une réflexion désolante le foudroyait. De quel droit irait-il, lui, l'inconnu, le dédaigné, se mêler à la vie de cette femme? Alors une amertume profonde empoisonna sa pensée. « Et moi qui la respectais comme une sainte ? » murmura-t-il en déchirant la lettre destinée à M. Gibson. « Moi qui disais à mes désirs, vous êtes bien audacieux de l'effleurer. L'homme qu'elle aimera ne doit-il pas posséder toutes les supériorités, toutes les délicatesses ?» Raoul éclata d'un rire sauvage. « Eh bien le voilà, cet élu, ce phénix, ce parangon d'honneur et de dignité morale. C'est un être abject et dégradé dont rougirait la moins scrupuleuse grisette. De quel fange est-elle donc pétrie, elle qui s'est confiée à ce misérable ? Oh, poésie des yeux, promesse du visage, comment croire en vous désormais ? Cette noble physionomie est un mensonge, cette forme d'ange déguise une âme de boue. » Et Raoul mordait son oreiller pour étouffer ses sanglots. 2 heures s'égrenèrent ainsi, 2 siècles, durant lesquels Guérac s'arracha les cheveux et se laboura la poitrine. Enfin, la porte de l'Américain roula doucement sur ses gonds. Il bondit à son poste et regarda. Madame de Logel hasardait au dehors son adorable tête. N'apercevant personne, elle descendit l'escalier avec une légèreté d'oiseau. Raoul se traîna vers la fenêtre. Il vit la perfide s'éloigner en rasant la muraille. Hélas, son allure, sa vivacité, ses mouvements d'hirondelle, tout trahissait l'allégresse de la femme secrètement heureuse. Et elle disparut à l'angle d'une rue prochaine où stationnait la voiture de place qui l'avait amenée. Raoul quitta Paris le lendemain. Certes, ce ne fut pas sans de mortelles angoisses. Que de voix mystérieuses le rappelaient, que de liens invisibles il eut à trancher. Il les trancha, il se boucha les oreilles, il combattit vaillamment et demeura vainqueur de lui-même. « Allons, pas de lâcheté, » se dit-il. « Quoi, moi, je m'abaisserai à être le rival d'un Gibson ? Au diable, ce honteux amour, place au mépris !» Pendant une année, il parcourut la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, semant l'or, récoltant les aventures, aimant, riant, chantant et pressant la vie comme une orange afin d'en extraire le plaisir et l'oubli. À son besoin d'agitation, aux fanfares de sa gaieté, vous eussiez dit qu'il suffoquait de joie. Cependant, il ne séjournait nulle part. Tout repos lui était insupportable. Il arrivait comme une trombe, repartait comme un ouragan. Partout, il se jetait à corps perdu dans le torrent des intrigues vulgaires. 20 fois, il lui advint de jurer à la première venue une flamme éternelle, et de se demander 8 jours après, entre 2 bâillements, « Où donc avais-je les yeux ? Pourquoi me suis-je pris de cette femme-là » On l'eût bien étonné en lui répondant, « Parce que, à tort ou à raison, vous l'avez découvert quelques ressemblances avec Madame de Logel. » Et il s'enfuyait plus loin. Le souvenir, tarentule acharnée, le piquait et l'éprenait sans trêve. Quand il eut détruit la moitié de sa fortune et les 3/4 de sa santé, Raoul se jugea guéri. Il rentra en France, lassé, usé, brisé, mais dissimulant sa fatigue à force de verve et d'entrain. L'ironie est le masque des âmes blessées. Il le sentit, il évoqua 1000 étourdissements, duels, soupers, lansquenets furieux, paris excentriques, liaisons tapageuses, se disputèrent son temps et sa raison. Il devint l'enfant gâté de la mode, le héros des chroniqueurs hebdomadaires. Mais quoi ? Cet excès de gloire ne le grisa nullement. Et quand il réussit à faire une ruine de son cœur, cette ruine elle-même fut hantée par un revenant, l'image d'Aurélie. Enfin, un jour, qu'il passait devant le fatal hôtel du Mississippi, Raoul entra machinalement et s'informa de M. Gibson. Dans quel but ? Il l'ignorait. Peut-être comptait-il amener l'Américain à une provocation, car sa haine pour cet homme avait grandi en proportion de sa tendresse pour Madame de Logel. On lui apprit que le Sir Gibson, effrayé des poursuites dont il se croyait l'objet de la part de la police, s'était réfugié en Angleterre et n'avait pas reparu. Donc, il y avait eu rupture, donc Aurélie était libre. Ce renseignement produisit sur Raoul un effet désastreux. Ses espérances se réveillèrent et son courage s'en alla tout d'un coup. Le diable profita de cet accès de faiblesse. Il plaça Guérac, par une après-midi de printemps, sur le chemin de cette séduisante veuve. Il la revit belle, souriante et parée. C'en était trop. Dès le lendemain, Raoul recommença ses interminables factions dans la rue Saint-Honoré. « Je suis perdu, » se dit l'infortuné. « 8 jours ne s'écouleront pas sans que je commette quelque sottise. Eh bien, marchons au-devant du péril. Pour avoir aimé un Gibson, il faut que cette femme cache, sous de suaves apparences, les goûts les plus vils et les instincts les plus bas. Qu'elle y consente ou non, je la verrai de près, je l'étudierai, je me convaincrai de sa dépravation, et si, une fois convaincu, le mépris n'a pas tué l'amour en moi, je suis un lâche et je me ferai justice. »